Donc en 53, Oui. Tréguin. tu viens à Tréguin. Oui. Et la vie change? Oh ben. La ferme à Tréguin, Oui, elle est plus grande. oui, c'était plus grand que chez mes parents, hein, ça c'est sûr. Il y avait combien? Il y avait des employés. Enfin, il y avait. Une vingtaine d'hectares là, Ah non? oui, plus. 25? Oui, à peu près, oui, peut-être, Ouais. oui. 25 hectares. Alors là, il y avait du monde à la Ah ben ferme. oui. Chez les Leduc, tu viens et il y avait toujours les parents Leduc qui étaient là. Et le père seulement. La mère était décédée avant. Il y avait le père qui était là. Oui, le père était là, oui. La mère est décédée l'année où on s'est mariés. Ah bon? Ouais. L'année avant. Oui, d'accord. Et il y a du monde, il y a les frères et sœurs Ah de... oui, il y avait deux filles, enfin deux sœurs, François, quoi, hein, Oui. Qui travaillait à la ferme aussi, oui, non? qui travaillaient à la Qui ferme. travaillait à la ferme? Ah ben Ouais. oui, on gardait tout le monde à la ferme. Et il y Hein. avait des ouvriers aussi, quoi. Des Oui, il y ouvriers avait ou des bien ouvriers, ou des oui. bonnes, quoi. Ah ouais, des ouvriers.